peau, j'ai tapé sur la peau du djembé. Du djembé. Je me suis relevé, j'ai continué. J'ai marché comme un forcené. J'ai croisé des destinées, des condamnés pour l'éternité. Dans ce monde perdu, putain, je me suis battu. J'ai tapé sur la peau, sans bien sur la peau. J'ai tapé sur la peau du djembé. Du djembé. Le quai de Garant, train restreint. J'ai rencontré un musicien, un grand frère à boutonner. Et dans un vacarme saccadé, sur la peau patinée, la tape. J'ai tapé sur la peau du djembé.